La fin du deuxième acte de Fiesque d'Édouard Lalo dans un enregistrement public. Le rôle-titre était ici chanté par Roberto Alagna. Il était accompagné d'un beau casting plutôt masculin. Franck Ferrari, Jean-Sébastien Bou, Armando Cabba, Ronan Nedelec ou encore Alexandre Swan. L'orchestre de l'Opéra de Montpellier, quant à lui, était placé sous la baguette de Alain Altinoglu. Alors, la vie mondaine de Fauré est une source d'épanouissement artistique. Il faut dire que son talent, son intelligence et ses goûts littéraires font de lui un compagnon de soirée idéal. Mais la compagnie de Saint-Saëns n'est pas mal non plus. Il faut dire aussi que Saint-Saëns, parallèlement à sa carrière de compositeur, de pianiste virtuose, d'homme du monde, eh bien, il écrit dans deux journaux, la Gazette musicale et la Revue bleue, de papier d'un très haut niveau intellectuel, niveau que Saint-Saëns assume sans l'ombre d'un problème. À l'époque, les disciples de César Franck commencent à faire parler d'eux, et particulièrement Vincent d'Indy, qui sera un peu l'alter ego de Saint-Saëns sur le plan des invectives esthétiques, lancé à boulet rouge par presse interposée. De part et d'autre, les arguments sont extrêmement aiguisés, les deux hommes sont d'une intelligence pénétrante et leurs engagements sont défendus férocement. Et comme on le sait, grâce à Marcel Proust, ces discussions passionnaient les salons parisiens et les camps se dessinaient à la lecture des listes d'invités. Saint-Saëns n'a jamais réprouvé son attirance pour la musique allemande. Il avait, par exemple, une grande admiration pour Liszt et était d'ailleurs, dans les années 70, l'un des premiers Français à cultiver le poème symphonique. D'ailleurs, Liszt le lui rendra bien en le soutenant avec fidélité. Il avait lu, au début des années 70 justement, les prémices de ce qui deviendra Samson et Dalila et avait aimé les brouillons au point de demander régulièrement à Saint-Saëns des nouvelles de son projet. Fidélité absolue de la part de Liszt, puisque en 1877, Liszt s'occupera d'organiser une production de Samson et Dalila à Weimar, production qu'il dirigera d'ailleurs lui-même. Alors qu'il se rend à Weimar, Saint-Saëns emmène dans ses bagages son jeune protégé, Gabriel Fauré, qui lui-même amène dans ses propres bagages la partition de sa ballade Opus 19 pour piano et orchestre. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, Liszt, ce si grand virtuose, ce pianiste échevelé qui a fait faire à son instrument un bond de géant, définissant les bases de sa musique, avec les fondements du piano moderne, il déclare qu'il ne peut pas jouer cette ballade de Fauré, car elle lui semble trop difficile. Alors, plusieurs explications sont possibles. La musique de Fauré est d'une grande subtilité et son piano est soumis à l'extrême raffinement de sa pensée musicale. Cette musique est donc très différente de celle de Liszt et est, dans ce sens, très nouvelle. Mais il faut dire aussi que nous sommes donc en 1877 et que le piano de Liszt n'avait à cette époque plus grand-chose à voir avec celui du jeune Franz Liszt. Page énigmatique des dernières années de Franz Liszt, Sunt Lacrimae Rerum, extrait de la troisième des années de pèlerinage. Au piano, c'était Alfred Brendel. En retournant un peu en arrière, précisément en 1871, on assiste à une autre preuve de la confiance et de l'admiration que Saint-Saëns portait à Fauré. On l'a dit tout à l'heure, le 25 février 1871 naît donc la Société Nationale de Musique. Saint-Saëns en partage l'initiative avec le chanteur et poète Romain Bucine. L'une des premières choses faites aura évidemment été de fonder un comité artistique fait de nombreux compositeurs et parmi eux, Saint-Saëns fait venir Fauré qui n'a encore que 36 ans. Mais parler de la Société Nationale de Musique m'autorise une petite digression et je me permets donc d'évoquer un compositeur complètement oublié aujourd'hui mais qui, à l'époque, avait une place centrale dans le monde de la musique en enseignant la composition au Conservatoire de Paris. Il s'agit d'Ernest Guiraud. Le père de Guiraud était musicien lui aussi et pour la petite histoire, l'année où Berlioz loupe le prix de Rome en 1827, c'est justement le père d'Ernest Guiraud qui gagne la partie avant d'émigrer à la Nouvelle-Orléans où naîtra donc Ernest. Après quelques allers et retours, c'est en 1854 que Ernest Guiraud s'installe à Paris, où il retrouve le rival de son père, Berlioz. Mais dans des termes plus amicaux, puisqu'il lui donne un coup de main dans la production de l'Enfance du Christ. Élève au conservatoire, Guiraud devient un camarade puis ami d'un jeune prodige, Georges Bizet. Les compagnons se feront même un petit voyage en Italie. Et c'est à ce moment-là que Bizet nous décrit Guiraud, nous donnant par là même les raisons peut-être pour lesquelles Guiraud ne goûtera pas aux joies de la postérité. Guiraud est si gentil, si amical, mais dans sa façon de vivre, de jouer et de composer la musique, il est un peu trop doux, un peu apathique. J'essaie de le remuer un peu. C'est d'ailleurs à Bizet, d'une certaine façon, que Guiraud doit la célébrité, puisque c'est Guiraud qui ajoutera les fameux intermèdes pour la production viennoise de Carmen, et il arrangera aussi la deuxième suite, célèbre suite de l'Arlésienne. Les œuvres de Guiraud, quant à elles, accèdent difficilement au devant de la scène. Toujours est-il que malgré une carrière assez confidentielle, il obtiendra le poste de professeur de composition au Conservatoire de Paris, et il aura dans sa classe entre autres Paul Dukas ou encore Claude Debussy. C'est alors qu'il entreprend une œuvre dans laquelle il souhaite se dépasser, un opéra Frénégonde. Mais Guiraud meurt malheureusement avant d'achever la partition à l'âge de seulement 55 ans. L'œuvre devra plus tard attirer tout de même l'attention de Saint-Saëns qui terminera la partition, puis aussi celle de Paul Dukas qui l'orchestrera. Aujourd'hui, la musique de Guiraud a disparu des programmes de concerts sans y être jamais vraiment apparue. Mais ses œuvres rares laissent tout de même transparaître cette bonté d'âme dont parlait volontiers Georges Bizet.